Allô, allô, allô, Bordas, Bordas, viens te raconter une histoire, une fable, un conte, c'est Noël. 538 €, c'est la dépense moyenne des Français à Noël. Oh, les Français sont parmi les moins généreux. Nos voisins irlandais dépensent 1 339 € pour l'occasion. Suivi des Chypriotes, des Anglais, des Belges. 65% de ces dépenses sont allouées aux cadeaux. 22% aux cadeaux. Et 12% au divertissement. J'aime bien les cadeaux aussi. Bordas, tu viens te raconter les allemands sont les moins généreux. Avec seulement 8,9 cadeaux sur le sapin. Ils sont allemands. Ah, oh, les Irlandais offriront eux 18,5 cadeaux. Les cadeaux au dehors, tout en veut, tout en aura, les cadeaux. Les Français, les cadeaux, je te l'offre. Autant pour les enfants et les parents. J'aime bien les enfants. Les 36 heures de cadeaux aussi. Quoi Noël ? Qui est Noël ? Comment est Noël ? Et pourquoi Noël ? Pourquoi les bulles ? Pourquoi les guirlandes ? J'aime les cadeaux ! Pourquoi les créneaux ? Les cadeaux de Noël ! Pourquoi le Père Noël ? La grande fête ! La fête pourquoi de Noël ! Hein ? Pierre ! Pourquoi ? Pourquoi Noël ? Pour le cosmos ! Histoire de sapin, histoire de sabadien, beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, de joie dans l'espace de Noël, c'est la fête des étoiles. Il l'a envoyé loin avec sa fusée dans l'espace. Noël, c'est rime avec caramel. Et Bordas te souhaite un joyeux Noël.